الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Donc Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala était dans un endroit où il y avait beaucoup de disputes entre les fanatiques des différentes madhahib, l'école de jurisprudence. Mais Allah subhanahu wa ta'ala l'a guidé à la sunnah et à ne rien mettre au-dessus de la sunnah du prophète sallallahu alayhi wa sallam, particulièrement après qu'il eut commencé de côtoyer et d'étudier auprès de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala. Il a donc beaucoup écrit dans ce sujet. Il a enseigné sur ses fondements, il a réfuté ceux qui étaient fanatiques, naam, et il a débattu avec eux. Et il ne craignait le reproche de personne quant au fait de proclamer à voix haute la vérité. C'est pour cela même qu'il a été emprisonné lorsqu'il a défendu un des avis de Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala dans une question religieuse relative au divorce. Celui qui divorce, yani qui prononce trois fois le divorce dans yani la même fois, est-ce que ça compte une seule fois ou bien trois fois? Pour cette question, pour son avis secouru dans cette question-là, il a été emprisonné, car ça contredisait les fuqaha, ou la majeure partie des fuqaha de son époque. Il a également une autre fois été emprisonné lorsqu'il a blâmé Naam et lorsqu'il a réfuté avec preuve le voyage en direction de la tombe d'un pieux ou bien d'un prophète comme le prophète Ibrahim alayhi salam. Aussi, il a été agressé, il a été opprimé et emprisonné dans la question de At-Tawassul et Al-Shafa'a. Naam. Il disait, en conformité avec la croyance de Ahli Sunnati wal Jama'a, qu'il y a un Tawassul qui est légiféré et il y a un Tawassul qui n'est pas légiféré. Nous avons le droit de demander à Allah Azza wa Jal par la mention de ses noms, par Mada, après avoir fait une bonne action, par la mention de cette bonne action, ou en demandant à une personne qu'on pense être pieuse, alors qu'elle est vivante et présente, de faire dua en notre faveur. Ça, c'est Tawassul qui est shar'i, qui est légiféré, qui est permis. Allah dit dans le Coran, « Walillahi l'asma'ul husna fadu'uhu biha » À Allah appartient les plus beaux noms, invoquez-le donc avec. Tu dis par exemple, Ya Rahim, Irhamni. Ya Ghafur, Irfirli. Ô toi le grand pardonneur, pardonne-moi. Ô toi le très miséricordieux, accorde-moi ta miséricorde. Ça, c'est Tawassul, par la mention des noms d'Allah. Naam, il y a également Tawassul, en faisant une bonne action. Tu demandes à Allah, ou Allah, si j'ai fait sincèrement cette action pour toi, donne-moi cela, préserve-moi de cela. Ou bien tu dis à une personne que tu penses être pieuse, invoque Allah en ma faveur. Ça, c'est légiféré, c'est permis, comme on le trouve dans le Coran et la Sunna. Mais certaines personnes font de Mada utilise al-tawassul qu'Allah Azza wa Jal ne nous a pas légiféré. Naam, et utilise des causes qu'Allah n'a pas légiférées. À titre d'exemple, il se rendait auprès de la tombe d'une personne pieuse. Naam. Et pensaient qu'invoquer Allah Azza wa Jal à cet endroit, sans invoquer le mort, ils invoquaient Allah, mais en pensant que de l'invoquer à cet endroit, c'était meilleur et plus prompt à être exaucé. Naam, et plus prompt à être exaucé. Ça, c'est un grand mal, et c'est une cause pour tomber dans le shirk akbar, qu'Allah nous en préserve. Ceci n'est pas permis, ceci n'est pas légiféré. D'accord ? C'est pas permis et c'est pas légiféré. Et la cause première du polythéisme, c'est l'exagération envers les personnes pieuses. L'exagération envers les personnes pieuses, comme vous l'avez étudié dans Kitab al-Tawhid, وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا. نعم, ce sont les noms de personnes vertueuses du peuple auquel a été envoyé Nuh. Lorsqu'ils sont morts, na'am, les gens les ont représentés, les ont mis dans leurs assises pour se rappeler leur dévotion et leur piété, mais ils n'ont pas été adorés directement. Et lorsque la science a été oubliée, lorsque la science a disparu, le shaitan leur est revenu et leur a embelli l'adoration, na'am, de ces personnes pieuses. Et c'est ainsi qu'est né le polythéisme. Donc l'exagération à l'égard des personnes pieuses, c'est la porte ouverte au polythéisme, wal'iyadu billah. C'est pour ça que l'islam a préservé, les délimité, ses limites, ses madha, ses points du tawhid, afin que les gens ne tombent pas dans l'exagération qui pousse à tomber dans le polythéisme. Lorsqu'Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala a expliqué cette question religieuse et a blâmé ceux qui invoquaient Allah Azza wa Jal auprès de la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou bien lorsqu'il a aussi blâmé le fait de voyager pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam al-Madina, pour sa tombe, et non pas pour la mosquée et adorer Allah Azza wa Jal et faire ce qui est légiféré là-bas. Il a montré qu'il y avait une différence entre les deux. La première action, elle est blâmable. La deuxième, c'est une sunna. Quand tu vas à al-Madina, quand tu voyages pour aller à Médine, tu voyages pour adorer Allah Azza wa Jal dans la mosquée du prophète sallam avec la prière. Na'am, tu vas à Masjid Quba. Na'am, celui qui fait le wudu, puis il va à Masjid Quba pour faire une prière. Na'am, il a récompense d'une umra. Na'am, il y a des choses qui sont légiférées. Par contre, dire je voyage, je vais à Médine pour saluer le prophète alayhi salatu wassalam ou pour sa tombe ou pour ça, c'est pas légiféré. Na'am, où que tu sois, tu pries sur le prophète alayhi salatu wassalam, ça lui parvient qu'Allah azza wa jalla a chargé des anges de transmettre le salam au prophète alayhi salatu wassalam émanant de sa communauté sallallahu alayhi wa sallam. Pour cela, il a été battu, il a été emprisonné. Or, alors qu'il est lui sur la vérité, na'am, alors que son avis est appuyé par le Coran et la Sunna, et son avis est appuyé par la voix des compagnons et de ceux qui les ont suivis avec excellence. Parmi les choses étonnantes concernant Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala, c'est la force d'écriture qu'il avait. Ses livres sont sans aucun doute parmi les meilleurs des écrits des savants. Ses livres sont comptés et sont reconnus pour faire partie des meilleurs livres qui ont été écrits par les savants. Ibn Hajar, rahimahullah ta'ala, dit « Kullu tasanifi marghubun fiha bayna at-tawaif » Ibn Hajar, rahimahullah ta'ala, nous dit « Tous ces livres, tous ces épîtres, ces écrits sont aimés, recherchés par l'ensemble des différentes personnes de différentes voies. » Les gens de la sunna et les gens dehors de la sunna, tout le monde reconnaît à Ibn al-Qayyim l'excellence dans ses écrits. Et tout le monde recherche et Mada cherche à tirer profit de ses écrits. Le huitième point, Madhabuhu. Quelle était sa méthodologie? C'est connu qu'il faisait partie de Al-Hanabila. Naam, qu'il était affilié à l'école de jurisprudence de l'imam Ahmed rahimahullahu. Ta'ala, il a étudié dans la plus grande école de l'époque et a côtoyé les plus grands savants de l'Hanabila de l'époque. Si ce n'est que lorsque la preuve lui apparaissait, même si ça n'était pas l'avis na'am de l'Hanabila, il délaissait l'avis de l'Hanabila pour prendre la preuve, pour prendre le dalil. Et c'est ça le juste milieu. C'est ça le juste milieu. La plupart des savants disent qu'il n'y a pas de mal à étudier un madhhab. Mais le mal, le blâmable est de devenir fanatique. De devenir fanatique. Naam. Et de penser que toute la vérité réside dans le madhhab. Et que nous n'avons pas la permission de contredire ce qu'il y a dans le madhhab. Ou bien même de réfléchir à la preuve. Parce que ceux qui étaient avant nous sont plus savants. Ça, c'est l'enseignement du taqlid, wal'iyadhu billah. C'est l'enseignement du suivi aveugle, ce qui a détruit les communautés auxquelles ont été envoyés les messagers et les prophètes. Naam. Pourquoi beaucoup d'entre eux ne sont pas entrés en islam? Parce qu'ils ont suivi aveuglément leurs grands. Naam. Parce qu'ils ne se sont pas permis de contredire leurs aînés. Alors que le muslim, il ne se permet pas de contredire le prophète sallallahu alayhi wa sallam uniquement. Après lui, comme le disait l'imam Malik et autres, de tout le monde on peut accepter et rejeter. Sauf celui qui est dans cette tombe. Donc il est à Médine, le prophète alayhi wa sallam. Naam. Ça c'est la méthodologie qui est en conformité avec le Coran et la Sunna. Quant au fait de dire que toute la vérité réside dans le madhhab de tel imam ou tel autre, ou même de tel compagnon ou tel autre, ceci est rejeté par l'ensemble des savants de la communauté. Ceci est rejeté par l'ensemble des savants de la communauté. Donc ni il faut dénigrer et ne pas reconnaître les efforts des savants anciens, et ni il ne faut faire yani, le fanatisme et madha, penser que toute la vérité réside dans la parole d'un imam parmi les imams de l'islam. Mais la voie droite est le juste milieu. Le respect, la considération des grands savants anciens et de leurs efforts, les aimer, invoquer Allah en leur faveur, leur reconnaître ce mérite, et dire en même temps qu'ils ne sont pas infaillibles et que tantôt ils avaient raison, mais que tantôt ils avaient tort, et que chacun d'entre eux, par moment, la sunna ne leur a pas été apparente. C'est pour cela qu'ils l'ont contredit par moment. Et la bonne opinion qu'on a d'eux, c'est qu'ils ne l'ont pas contredit volontairement. Mais parce que soit considérer le hadith comme étant faible, soit il n'a pas eu connaissance du hadith, et ainsi de suite. Naam, les savants ont longuement détaillé ce point-là, les excuses qu'ont et qu'avaient les savants lorsque leur avis n'était pas en conformité avec les textes. Donc voici la voie d'Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala, le fait de suivre ad-dalil, le fait de suivre la preuve, tout en considérant les savants et tout en reconnaissant leur grande place. Le neuvième point, al-alaqatu bayna ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala wa ibn al-Qayyim, le lien entre Ibn Taymiyyah et Ibn al-Qayyim. Donc on a cité ou bien vous avez déjà entendu que ce lien a commencé entre eux deux en l'an 712, lors du retour d'Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala à Dimashq. Lors du retour d'Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala à Damas. Et ce lien n'a cessé d'être jusqu'au jour de son décès, le décès d'Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala en prison, en l'an 728. En l'an 728. Donc Ibn Taymiyyah rahimahullah, ou plutôt Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala, est resté et a pris la science d'Ibn Qayyim durant 16 années. Naam, durant 16 années. Donc on peut imaginer la grande science qu'il a puisée de ce puits de science rahimahullah ta'ala. Et parmi les grands bienfaits d'Allah sur son serviteur, le fait qu'il lui facilite un savant de la sunna, un savant sage, un savant pieux qui applique sa science, un savant qui est noble conseiller et qui veut le bien pour autrui comme il veut le bien pour lui-même. Ça, c'est un des plus grands bienfaits d'Allah sur le serviteur. Naam. Que dire alors si ce bienfait-là se trouve sur une personne qui a déjà cette science et des capacités hors du commun accordé par Allah subhanahu wa ta'ala. Ainsi, Ibn Taymiyyah a éduqué Ibn al-Qayyim sur le Coran et la Sunna. Et il lui a fait immensifier la preuve. Naam. Et il a développé en lui les qualités qu'il avait déjà. Et il lui en a fait connaître d'autres. Il l'a éduqué sur la bonne croyance, la croyance de l'Ahl al-Sunnah et wal-Jama'ah. Sur le fait que l'adoration doit toujours reposer sur deux bases. La sincérité et la conformité avec le suivi du prophète alayhi salatu wassalam. Il l'a éduqué sur la sunna. Il l'a corrigé dans le domaine des noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ainsi de suite. Et c'est pour cela qu'on trouve la mention d'Ibn Taymiyyah dans énormément de livres d'Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala. Des fois, dans un seul livre, il le mentionne plus de 30 fois. Naam. Quant à ses fatawa et ses avis, naam, il le mentionne énormément aussi. Il fut son meilleur élève. Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala est celui qui a le plus pris la science d'Ibn Taymiyyah et il s'est distingué des autres. Ibn Taymiyyah l'aimait tout particulièrement et lui accordait beaucoup d'attention. Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala était extrêmement reconnaissant envers son cheikh. Naam. Et il faisait ses éloges. Il faisait ses éloges et mentionnait le bienfait qu'Allah Azza wa Jal lui a facilité par par sa cause. Et dans plusieurs de ses poèmes, il fait référence à son cheikh Ibn Taymiyyah. Par exemple, il nous montre qu'une des causes de sa guidée sur la voie de Ahl Sunnah wal Jama'a, c'est Ibn Taymiyyah. Naam, c'est Ibn Taymiyyah. Et dans un de ses poèmes, il dit Ya qawm wallahi al-azim nasihatun min mushfiqin wa akhin lakum mi'wani jarrabtu hadha kullahu wa waqa'tu fi tilka ash-shibak wa kuntu dha tayrani. Ô vous les gens, par Allah l'immense, un conseil sincère de la part d'une personne qui a d'un frère qui a de la compassion pour vous. J'ai testé tout cela. J'ai l'expérience de tout cela et moi-même je suis tombé dedans. Naam, et moi-même je suis tombé dedans. Dans ces filets. Naam, dans ces filets. Donc là il fait référence à la période avant sa rencontre d'avec Ibn Taymiyyah et certaines erreurs qu'il avait. Hatta ataha lil ilahu bi fadlihi. Il dit jusqu'à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala m'ait facilité et m'ait accordé l'occasion par sa grâce. Man laysa tajzihi yadayi wa lisani ou yadi wa lisani. Celui que je ne pourrais pas assez remercier, naam, ou rembourser, que ce soit avec ma main ou que ce soit avec ma langue. Fatan ata min ardi harrana fi faya ahlan biman qad ja'a min harran. Il dit, donc qui est cette personne qui a été la cause de sa guidée, qui est cette personne qui l'a réformée, ainsi de suite. Il dit, Fatan, un jeune homme, ata min ardi harrana fi faya. Fatan ata min ardi Harran faya, un jeune homme qui est venu de la terre de Harran. Al-Harran, c'est qui? C'est Ibn Taymiyyah. Naam, Ahmad ibn Abd al-Halim ibn Abd al-Salam. Al-Harran. Naam, il vient de Harran. Puis il est parti à Dimashq. Il y avait la fitna des Tatars et autres. Puis il dit Ahlan biman qad ja'a min Harran, que soit la bienvenue celui qui est venu de Harran. Il fait référence donc à Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala. Fallahu yujzihi alladhi huwa ahluhu min jannati al-ma'wa ma'a ar-ridwan. Qu'Allah le rétribue en lui accordant le paradis avec son agrément. أخذت يداه يدي وسار فلم يرمي حتى أراني مطلع الإيمان. Il dit en gros qu'il l'a pris par la main et ne l'a pas relâché, ne l'a pas rejeté, jusqu'à lui avoir fait montrer ce qu'est réellement la foi. Akada, jusqu'à la fin de ces belles paroles. Et il y en a encore beaucoup d'autres. Ala kulli hal, un autre point concernant leur lien, c'est qu'il fut dit qu'Ibn Taymiyyah rahimahu, que plutôt Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala était la copie ou la photocopie de son cheikh et que Dieu a son amour pour lui, il ne sortait pas de son avis. Dû à l'amour qu'il avait pour lui, il ne sortait pas de son avis. Donc, est-ce que ceci est vrai ou pas? Les paroles prononcées reste des prétentions tant qu'il n'y a pas de preuves. Naam. Et même si la personne peut être une personne de science, naam, on ne peut accepter cette parole sur Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala, car les preuves et lois qui montrent le contraire. Montrent le contraire. Et qu'il avait sa personnalité, et il avait yani, ses idées basées sur le Coran et la Sunna, et il ne suivait son shir que si la preuve était avancée et pour lui conforme avec la révélation. Non pas un suivi aveugle à la manière de Sophie avec leur shir, ou bien à la manière de Al-Mutabadhiba lorsqu'ils sont fanatisés pour telle ou telle personne. Naam. Donc, on doit savoir qu'il n'y a pas de mal à suivre son shir parmi les savants de l'Ahl-Sunnah. Et il n'y a pas de mal à aimer son shir parmi les savants de l'Ahl-Sunnah, de considérer c'est plutôt un droit des savants sur nous. Naam. Mais là où il y a un problème, c'est lorsque la personne est suivie, même dans sa faute. Lorsque la personne est suivie, même dans sa faute, et qu'elle est défendue, même dans le faux, et secourue, même pour son faux. Wahakada. Wallahul musta'an. Donc, Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala, certes, aimait énormément son shir, et comment ça pourrait être autrement alors que nous, on ne l'a pas vu, et on l'aime, rahimahullah. Que dire alors de lui qui a tiré profit de sa science? Naam, qui est resté avec lui durant 16 ans, sans aucun doute. Celui qui fréquente un savant, un des plus grands savants de l'islam, sans aucun doute qu'il l'aimera. Il a secouru ses avis, ce qui était pour lui en conformité avec les textes, mais ne le suivait pas d'un suivi aveugle et ne se fanatisait pas pour lui. Et parmi les preuves qui nous montrent qu'Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala n'était pas la photocopie et ne le suivait pas aveuglément, c'est qu'on trouve des études religieuses et des avis religieux qui sont basés, comme on l'a vu tout à l'heure, sur plus de 100 livres. Donc il ne prenait pas que les écrits d'Ibn Taymiyyah, ni que l'avis d'Ibn Taymiyyah, mais il étudiait, il cherchait, naam, jusqu'à réunir plus de 100 lectures pour enfin prendre son avis en conformité avec la science qui lui est apparue. Deuxièmement, il a des études et des analyses religieuses qu'il a lui et qu'on ne trouve pas auprès d'Ibn Taymiyyah, rahimahullahu ta'ala. C'est donc la preuve qu'il n'a pas suivi aveuglément dans ces points-là, mais plutôt que lui a étudié, a fait son effort, jusqu'à arriver à un résultat. Le fait de ne pas trouver cela dans les livres d'Ibn Taymiyyah, rahimahullahu ta'ala, c'est la preuve qu'Ibn Qayyim, rahimahullahu ta'ala, avait sa personnalité distincte, et qu'il fournissait ses efforts, et ne suivait pas aveuglément son shir. On trouve de cela dans son livre Miftah Dar al-Sa'ada, on trouve de cela Mada dans Zadul Ma'ad, on trouve de cela dans différents livres qu'il avait. Un autre point, le troisième point qui nous prouve cela, c'est qu'il a contredit son shir dans certaines questions religieuses. C'est-à-dire qu'Ibn Taymiyyah avait un avis, et Ibn Qayyim avait un autre avis en connaissant l'avis de son shir. Naam. Et est-ce que c'est un manque de respect, est-ce que c'est mal que de ne pas prendre l'avis de son shir dans certaines questions religieuses ou pas? Celui qui a un niveau de science et qui lui apparaît que l'avis de son shir n'est pas l'avis prépondérant et qu'il voit un autre avis, naam, et il a un savant qui l'a précédé et que cet avis est basé sur les preuves, que ce soit du Coran, de la Sunna ou l'Ijma ou autre, naam, on ne dit pas que c'est bien qu'il le contredise, mais on dit que c'est obligatoire et que de faire ça. Et que les savants sont tous d'accord pour dire, il n'est pas permis à une personne de prendre l'avis de son shir, de prendre l'avis d'un imam de l'islam, après que la sunna lui était yani, apparente ou apparue. Ça, c'est des règles qu'on doit connaître. Naam, tu n'as pas le droit de rester sur un avis après avoir connu la sunna. Parce que c'est ton shir, ou parce que il a plus de valeur que toi, plus d'ancienneté que toi, plus de khidma pour l'islam, et ainsi de suite. Non, ça les savants sont tous d'accord pour dire qu'il n'est pas permis de rester sur cet avis après avoir connu la sunna. Et c'est ainsi qu'était Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala. Par exemple dans riba, par exemple dans riba pour certaines nourritures, Ibn Taymiyyah voyait que la illa c'était telle chose. Ibn Qayyim voyait que non. Pourtant, il cite l'avis d'Ibn Taymiyyah. Les savants divergeaient, ou bien ont mentionné 13 avis dans cette question religieuse. Il cite les avis, il en mentionne 6 ou 7, et dit l'avis d'Ibn Taymiyyah, c'est celui-ci. Mais l'avis prépondérant chez moi, c'est celui-là. Naam, c'est celui-là. Donc il contredisait son shir dans certaines questions religieuses. Ça montre qu'il ne suivait pas aveuglément. Ça montre qu'il ne suivait pas aveuglément. Naam. Et le dernier point qu'on cite pour ce passage-là, c'est qu'Ibn Taymiyyah, ou plutôt Ibn Qayyim, rahimahullah ta'ala, dans certains livres, cite un avis. Plus tard, il revient sur cet avis et il se corrige parce que la vérité lui apparaît ailleurs. Celui qui fait cela, c'est celui qui est mujtahid. C'est celui qui se permet des efforts de réflexion. Ça n'est pas celui qui suit aveuglément son shir. Son shir est décédé, rahimahullah. Pourtant, il changeait d'avis dans le futur. Naam. Pourquoi? Parce que ça lui apparaissait, la vérité lui apparaissait en concordance avec les textes. Le dixième point, Man Shuyur Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala. Donc les enseignants, les savants d'Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala. Il y en a une multitude, j'en vais en citer juste quelques-uns, et ensuite on passera, inshallah, au onzième point, Min Talamidi, certains, la mention de certains de ses élèves. Quant à ses enseignants, premièrement, on cite Walidou, son père, Abu Bakr ibn Ayyub, Naam, ibn plutôt Qayyim al-Jawziyya. Donc Abu Bakr ibn Ayyub, le responsable de l'école al-Jawziyya, il a pris de lui la science depuis tout petit, et particulièrement al-Fara'id, la science de l'héritage. Un autre qui se prénomme Ibn Abd al-Da'im, Abu Bakr. Le troisième qu'on mentionne, le plus célèbre, Cheikh l'Islam, Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, que vous connaissez tous, Ahmed ibn Abd al-Halim, ibn Abi Salam, al-Numayri al-Harrani, thumma al-Dimashqi rahimahullah ta'ala. Il a profité de lui la science du tafsir. Il a profité de lui la science du hadith. Il a profité de lui la science du fiqh, al-Fara'id. Beaucoup, beaucoup de matière, et il est beaucoup resté avec lui, il a beaucoup pris de sa science. Et celui qui lit des livres d'Ibn al-Qayyim verra qu'il mentionne énormément son shir. Parmi ses enseignants, Ibn al-Muflih, un célèbre savant de l'époque. Naam. Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala a dit de lui: Ma tahta qubbatil falak. Il n'y a pas sous le toit de l'univers. Il n'y a pas sous le toit de l'univers. أعلم بمذهب الإمام أحمد من ابن مفلح. Il a dit: je ne connais pas plus savant, naam, sous le toit de cet univers, dans le madhhab Hanbali, que Ibn Muflih. Et il profitait de sa science et il revenait à lui dans des questions religieuses souvent. Et encore d'autres parmi ses enseignants, il y en a beaucoup. Le onzième point, Min talamidi, parmi ses élèves, il y a ses enfants, Abdullah, Ibrahim, ils ont pris de lui la science. Parmi ses élèves, Ibn Kathir. Comment s'appelle Ibn Kathir? On le mentionne tout le temps. Mais quel est son nom? Quelle est sa kunya? Quel est le prénom de son père? Naam. On doit connaître. Et lorsque vous entendez un savant qui est mentionné très souvent, il faut chercher à connaître un minimum de sa biographie, son époque, naam, sa date de décès. Tayyib Ismail ibn Omar. Ismail ibn Omar. C'est le célèbre exégète du Coran, celui qui a le tafsir. Naam, celui qui a un des meilleurs tafsirs au monde. Naam, celui qui a un des meilleurs tafsirs au monde. Rahimahullah ta'ala. Ben, sachez que c'est un des élèves d'Ibn Qayyim al-Jawziyya. Rahimahullah ta'ala. Un de ceux qu'il affectionnait particulièrement. Et de ceux à qui il a donné beaucoup de science. Bifadlillahi tabaraka wa ta'ala. Donc, Ismail ibn Omar. Sa kunya c'est Abu al-Fida. Sa kunya c'est Abu al-Fida Ismail ibn Omar. Rahimahullahu ta'ala. C'est une montagne de science. Il est décédé en 774. Il est décédé en 774, rahimahullahu ta'ala. Ibn Kathir a également pris de la science d'Ibn Taymiyyah, rahimahullahu ta'ala. Parmi les élèves d'Ibn Qayyim, rahimahullahu ta'ala, il y a Al-Muzani. Il y a Al-Muzani, rahimahullahu ta'ala. Il y a Ibn Rajab, connu sous le nom d'Ibn Rajab al-Hambali. Il s'appelle Abdurrahman ibn Ahmed. Et sa kunya, c'est Abu al-Faraj. Si vous entendez Abu al-Faraj ibn Rajab al-Hambali, ça fait référence à lui. Ça fait référence à lui. Il y a aussi Al-Subki, Ali ibn Abd al-Kafi. Ali ibn Abd al-Kafi, Al-Subki, qui est décédé en 756. Il y a le célèbre historien, le célèbre savant de l'islam, l'imam al-Dhahabi, rahimahullahu ta'ala. L'imam al-Dhahabi fait donc partie de des savants qui ont pris la science d'Ibn al-Qayyim. Il est décédé en 748. Concernant le Mouzani, j'ai un doute. Donc je ne vais pas le mentionner, parce qu'il fait partie des élèves d'Ibn Qayyim ou pas. Naam, Ibn Kathir a eu un lien avec lui, mais j'ai oublié, est-ce que c'est un élève aussi, Ma'ada d'Ibn Qayyim ou pas. Le dernier point, Mu'allafatu, ses écrits, ses livres. Il y en a beaucoup, certains ont dit qu'on a mis la main sur près de 100 de, parmi ses ouvrages. Naam, qu'il a écrit environ 100 livres, 98 livres. Ça, c'est sans compter ce qui n'est plus, sans compter ceux dont on n'a pas eu connaissance, sans compter ses fatawa et ainsi de suite. Et c'est très difficile de répertorier les livres d'un grand savant, parce que des fois, il n'a pas titré l'écrit. Et ce sont des gens qui sont venus après, ou des élèves, qui ont donné l'appellation. Ainsi, tu vois plusieurs appellations, mais en réalité, ça fait référence au même livre. Et une des manières de savoir le titre du livre, soit le shir le mentionne directement dans l'introduction, soit dans un autre de ses livres, il dit « et dans mon livre », et il cite son nom. C'est comme cela que les savants arrivent à répertorier les titres. Donc c'est une œuvre très difficile à faire que de répertorier les écrits, les ouvrages d'un savant. Aussi, il y a le travail des éditeurs et autres qui changeaient des fois le titre ou bien qui reprenaient un livre, le résumaient et le sortaient avec un autre titre. Donc ça rend la tâche bien plus difficile. Quoi qu'il en soit, il a eu énormément de livres. Il a eu énormément de livres, rahimahullahu ta'ala. Un exemple de livre qu'il n'a pas titré lui-même, mais que ce sont les autres qui ont titré, et donc il a plusieurs appellations, le célèbre livre Ad-Da'u wa-Dawa, La maladie et le remède, qu'ils ont traduit en français par péché et guérison. Il est également surnommé Al-Jawab al-Kafi liman sa'ala 'an ad-da'i ash-shafi, n'est-ce pas ? La réponse suffisante à celui qui a questionné sur le remède suffisant. C'est pas lui qui a appelé ce livre ainsi. Donc on va trouver ici par exemple deux titres. On va trouver ici par exemple deux titres. Non. Je vais vous citer certains de ces livres, loin de l'entièreté de ces ouvrages. اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية. Ça, c'est un de ses célèbres ouvrages enfermant énormément de science. Par exemple, le titre de ce livre, on ne le trouve pas directement dans son ouvrage. Mais lorsque les savants ont lu son livre Al-Fawaid, Ibn Qayyim a parlé de ce livre-là en citant ce titre. Donc on a su que c'était le titre. Ça, c'est une des manières de connaître le titre du livre d'un savant. C'est qu'il le mentionne dans un autre de ses livres, en y faisant référence. Parmi ces livres, il y a Ahkamul Mawlud, les règles du nouveau-né. Les règles du nouveau-né. Ce livre est connu, même du public francophone. On le surnomme aussi Tuhfatul Mawlud. Tuhfatu al-Mawlud. Le livre que j'ai cité auparavant, c'est sur certains attributs d'Allah Azza wa Jal, comme l'élévation et son élévation au-dessus du trône, et la réfutation aux gens qui ont dénaturé Allah Azza wa Jal de ses attributs. Ce livre-là, comme vous l'avez compris, c'est sur les règles relatives au nouveau-né. Il a un autre livre qui s'appelle I'lam al-Muqqi'in, An Rabbi al-Alamin, qui est en 3 tomes. Naam, I'lam al-Muqqi'in, An Rabbi al-Alamin. Les savants divergent, est-ce que c'est I'lam, c'est-à-dire les plus grands savants de l'époque, ou bien I'lam, c'est-à-dire Ikhbar, c'est-à-dire Ikhbar. Al-Muqqi'in, il parle ici des ulama, des fuqaha. Naam. Il y a un livre qui s'appelle Irathatul Lahfan min Masayid al-Shaytan. Irathatul Lahfan min Masayid al-Shaytan. Ça, c'est un livre dans lequel il montre comment Shaytan tente l'homme et comment il nuit à l'homme. Donc, il nous apprend cette science afin qu'on puisse s'en préserver, s'en protéger et se guérir des nuisances du Shaytan. Ça, c'est un excellent livre. Notez-le. Irathatul Lahfan. Et il m'est parvenu qu'ils l'ont traduit en français. Allahu alam, la qualité de la traduction. Naam, Irathatul Lahfan. Les savants accordaient beaucoup d'importance à ce livre, l'ont résumé, l'ont expliqué. Parmi les contemporains qui l'ont expliqué, il y a Sheikh Saleh Al-Fawzan. Sheikh Saleh Al-Fawzan, Hafidhahullahu Ta'ala. Donc je répète, Irathatul Lahfan min Masayid al-Shaytan. Il a également Bada'ul Fawaid. Bada'ul Fawaid. En 4 tomes, plutôt en 4 livres, des fois il est mis en 2 tomes. Naam. Il y a plus de 1000 pages. Naam, il y a plus de 1000 pages. Ce livre a plus de 1000 pages. Et il l'a écrit sans être dans sa bibliothèque. Il l'a écrit sans pouvoir avoir ses livres auxquels il pouvait revenir. Subhanallah. Il l'a écrit de sa mémorisation. Il l'a écrit min hifdhi, de sa mémoire. Il l'a écrit de ce qu'il a mémorisé. Et je vais vous lire ce qu'il dit à ce sujet. Il dit هذا الكتاب هذا الكتاب العظيم الذي يزيد على 1000 صحيفة إنما كتب طيب عفوا بلوتو فهذا ما في هذه المسألة المشكلة من الأسئلة والمباحث علقتها صيدا. Donc ici il explique, donc en relation avec le livre qu'on vient de mentionner. Plus loin, il dit طيب فإنها علقت علي حين بعدي من كتبي وعدم تمكني من مراجعتها. Il dit, j'ai écrit cela en étant loin de mes livres et en n'ayant pas la capacité de réviser, ni de revenir à des livres pour vérifier dans ces livres. وَهَكَذَا غَالِبُ هَذَا التَّعْلِيقِ إِنَّمَا هُوَ صَيْدُ خَاطِرٍ وَاللَّهُ مُسْتَعَانِ. Il dit, la plupart de ce qu'il y a là, ce sont mes pensées que j'ai retranscrites. Et de sa mémorisation, il a écrit ce livre, subhanallah. Il y a plus de 1000 pages. Il y a plus de 1000 pages, rahimahullah. Naam. Dans un autre passage, il dit, après avoir expliqué Sourate al-Kafirun, فهذا ما فتح الله العظيم به من هذه الكلمات اليسيرة والنبذة المشيرة إلى عظمة هذه السورة. Il dit, voici ce qu'Allah, l'immense, m'a ouvert dans ces quelques paroles. Naam, avec lesquelles j'ai fait allusion à cette sourate immense. Wa jalalatiha, wa maqsoudiha, wa badi'i nazmiha, min ghayri isti'anati bi tafsir. Il écrit des paroles les plus magnifiques et il finit en disant, voici ce qu'Allah m'a facilité. Naam. Et ce que j'ai pu dire sur cette sourate immense, sa grandeur, ses buts visés, naam, son agencement parfait, et tout cela sans m'aider dans tafsir. Tout cela sans m'aider dans tafsir. Donc il dit que tout cela, c'est que selon ce que Allah lui a enseigné et ce vers quoi il l'a guidé, ce par quoi il l'a honoré. Puis il dit, Wallahu ya'lam anni law wajadtuha fi kitabin adaftuha ila qa'iliha. Il dit, Allah sait que si j'avais trouvé, yani ce que je viens de dire, dans un livre, je l'aurais annexé à son propriétaire. Je l'aurais annexé, j'aurais mentionné la personne. Yani je n'aurais pas trompé le lecteur en faisant penser que c'est mon effort personnel. Non, j'aurais dit, j'ai tiré cela de un tel. Tout cela pour montrer qu'il écrivait des paroles les plus magnifiques et des plus longues sans livre. Et parfois, comme vous l'avez entendu, en voyage. Un de ses excellents livres, Jila ul Afham, fi salati wa salam, ala khayril anam. Jila ul Afham, fi salati wa salami, ala khayril anam. Adda wa dawa. Celui-ci, vous devez tous l'avoir. Adda'u wad-dawa, la maladie et le remède. En français, péché et guérison. Et Ash-Sheikh Abdelrazzaq a fait le charh du livre. Ash-Sheikh Abdelrazzaq Al-Badr, un savant de Médine, Hafidahullah, a fait le charh du livre, je vous le recommande. Quant à ceux qui ne sont pas arabophones, sur le site La Voix Droite, Allah Azza wa Jal nous a facilité ces assises-là, vous les trouverez, incha'Allah ta'ala, sur le site La Voix Droite, en français. Il a un livre dans lequel il a décrit le paradis. Naam, achetez ce livre-là. Il s'appelle « Hadil Arwah ila Biladil Afrah ». Naam, c'est un livre sur le paradis, sur sa description, sa beauté. Il a un livre qui s'appelle « Hukmu Tariki Salah », le jugement de celui qui abandonne la prière. Le jugement de celui qui abandonne la prière, qu'Allah nous en préserve. Ar-Risalatu Tabukiyya, c'est un autre de ses livres. Rawdatul Muhibbin wa Nuzhatul Mushtaqin. Naam, un livre sur l'amour. Rawdatul Muhibbin. Et malgré la précision de cet écrit, malgré la grande science que renferme ce livre-là, il l'a écrit en étant en voyage. Il l'a écrit en étant en voyage. Il a un livre qui s'appelle Ar-Ruh, l'âme. Ar-Ruh. Il a le célèbre livre Zadul Ma'ad, fi hadi khayril ibad. Celui-ci, il faut l'avoir. Naam, Zadul Ma'ad, fi hadi khayril ibad. Celui-ci également, il l'a écrit en voyage. C'est un livre sur la biographie du prophète alayhi salatu wassalam, mais c'est aussi un livre de fiqh, un livre de tafsir, un livre de tawhid. Naam, c'est une encyclopédie de science. Al-Shafiya al-Kafiya, c'est Nouniyat ibn al-Qayyim, a écrit son célèbre poème, Naam, qui est magnifique. Et souvent, ils ont retranscrit la partie sur le paradis, Wasful Jannah. Il a le célèbre livre Tariq al-Hijratayn wa Bab al-Sa'adatayn. Celui-ci, achetez-le. Tariq al-Hijratayn. Il a عِدَةُ الصَّابِرِينَ وَذَخِيرَةُ الشَّاكِرِينَ. Et certains disent عُدَّة. Il a le livre Al-Fawa'id. Achetez-le celui-ci. Al-Fawa'id. Il a l'un de ses meilleurs livres. Certains savants disent le meilleur livre écrit dans le domaine. مَدَارِجُ السَّالِكِينَ. مَدَارِجُ السَّالِكِينَ. بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين. منازل يعني مدارج السالكين يعني sont les étapes de celui qui achemine vers Allah. نعم. Il est dans telle adoration, il est dans telle adoration, il est dans telle adoration, il est dans tel état de servitude, dans tel état de servitude. Chaque page est plus magnifique que l'autre. Allah musta'an. مفتاح دار السعادة. نعم. مفتاح دار السعادة. Je ne sais pas si je l'avais. C'était. Et là encore beaucoup d'autres livres. نعم. J'ai cité le résumé du résumé de ces livres. Barakallahu fikum. Son décès, wafatuhu rahimahullahu ta'ala, il est décédé en 751, en l'an 751 après l'Hijra. C'était la nuit du jeudi. C'était la nuit du jeudi, le 13 du mois de Rajab. Naam. La nuit du jeudi 13 du mois de Rajab de l'an 751. Il a donc vécu 60 ans. Rahimahullahu ta'ala. Il a donc vécu 60 ans. Rahimahullahu ta'ala. Ils ont fait la prière sur le lendemain, après la prière du Zohr. Et c'était une janaza qui comportait énormément de monde. Elle a été suivie jusqu'à son enterrement. Farahmatullah. على العلامة محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد المعروف بن قيم الجوزية رحمة واسعة ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا أجمعين ولا ويرفع ويرفع درجاته في الجنة. Demandons qu'Allah Azza wa Jal d'accorder sa pitié et sa miséricorde à ce grand savant et de l'élever au plus haut degré du paradis. Pour conclure cette modeste conférence, je ne vois pas mieux pour faire connaître Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala à nos chers frères que de vous lire certaines de ses paroles de différents livres. Donc la conférence est finie. Ceux qui veulent partir, vous le pouvez dans le calme, inshallah. Et je vais vous lire certaines de ses paroles à un prix de différents livres pour vous montrer l'excellence de ses écrits et la profondeur na'am, de ses textes. Rahimahullahu ta'ala. Premièrement, j'ai choisi son écrit qu'on appelle Risalat ibn al-Qayyim. إلى أحد إخواني رسالة ابن القيم إلى أحد إخواني la lettre d'Ibn al-Qayyim à l'un de ses frères. Pareillement, Cheikh Abdelrazzaq a fait le charh de cette risala. Elle est sur son site pour les arabophones. Pour ceux qui sont francophones, vous pouvez revenir au site La Voix Droite. Par la grâce d'Allah Azza wa Jal, on a pu l'étudier. Donc c'est une lettre qu'il envoie à un frère fillah. Si ce n'est qu'elle renferme énormément de conseils et de biens. Il invoque Allah Azza wa Jal en faveur de cette personne afin qu'il lui accorde le bien. Puis il lui dit, je demande à Allah de faire de toi une personne bénie. Puis il lui explique qui est la personne bénie. Il lui dit, فَإِنَّ بَرَكَةَ الرَّجُلِ تَعْلِيمُهُ لِلْخَيْرِ حَيْثُ حَلْ وَنُصْحُهُ لِكُلِّ مَنْ اجْتَمَعَ بِهِ. قال الله تعالى إخبرنا عن المسيح عليه السلام وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتُ أي معلما للخير داعيا إلى الله مذكرا بمراغبا في طاعته فهذا من بركة الرجل ومن خلا من هذا فقد خلا من البركة ومحقت بركة لقائه والاجتماع به بل تمحق بركة من لقيه واجتمع به فإنه يضيع الوقت في المجاريات ويفسد القلب وكل آفة تدخل على العبد فسببها ضياع الوقت و وفساد القلب. نعم. Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala explique ce qu'est la personne à qui Allah a donné le baraka. Une personne qu'Allah a bénie. Il dit, c'est qu'il enseigne le bien où qu'il soit. Celui qui est béni, dès qu'il arrive dans un endroit, il fait profiter son entourage. Dans toutes ses assises. Toute personne qui reste avec elle, profitera et tirera profit de ses enseignements, de sa sagesse et de sa science. Il conseille tous ceux qui le rencontrent. Allah a dit en informant d'El-Masih, c'est-à-dire Isa alayhi salam, selon la traduction des sens de ce verset de Sourate Maryam, et il m'a rendu béni où que je sois. Ibn Qayyim explique, il dit, c'est-à-dire il enseigne aux gens le bien. Il appelle à Allah. Il leur rappelle Allah. Il leur fait aimer son adoration, son obéissance plutôt. Ceci fait partie de la bénédiction de l'homme. Et celui qui est déchu de cela, na'am, est déchu de toute bénédiction. Pas de bénédiction. Pire encore, la bénédiction de ses rencontres sera enlevée. Quand il va rencontrer des gens, il va faire disparaître la baraka. Parce que c'est une personne qui n'apporte pas le bien, qui ne veut pas le bien, qui n'appelle pas au bien. Puis il dit, rahimahullah, plus encore, donc, celui qui le rencontrera perdra sa propre baraka. Le bien qu'il a lui-même, en fréquentant cette personne, tu le perdras. Car il fait perdre le temps dans les... Il s'est passé ceci, il s'est passé cela. Et il pervertit le cœur. Il te fait perdre ton temps et il détruit ton cœur. Puis il dit que de... Perdre son temps, ça fait que tu sors de la préservation qu'Allah t'avait accordée. Celui qui perd son temps et son cœur, il est affecté, il va sortir de la protection d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il va tomber du rang qu'Allah lui avait accordé. C'est pour cela, il dit, c'est pour cela que certains de nos savants nous conseillaient, « Ihdharu mukhalatata man tudayyu mukhalatatuhu alwaqt wa tufsidu alqalb. » Faites attention à fréquenter des gens dont la fréquentation fait perdre le temps et détruit les cœurs. Et celui qui se retrouve dans cet état, il perd son temps, son cœur devient yani, affecté, celui-ci, toutes ses affaires deviendront désordonnées. Tout ce qu'il fera sera voué à l'échec. Il n'arrivera à rien dans sa vie. Puis il a cité le verset « وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَى وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا » Et il te dit « Médite l'état de la plupart des gens au monde et tu verras qu'ils sont ainsi. » Allah nous a ordonné ces gens-là de ne pas les suivre. Non. Plus loin, il nous dit « وَالْغَفْلَةُ عَنِ اللَّهِ وَالدَّارِ الْآخِرَةِ مَا تَتَزَوَّجَتْ بِاتِّبَعِ الْهَوَى تَوَلَّدَ مَا بَيْنَهُمَا كُلُّ شَرْ وَكَثِيرًا مَا يَقْتَرِنُ الْأَحَدُهُمَا بِالْآخَرْ وَلَا يُفَارِقُ. Il dit, si on ajoute à ça la perte de temps, la destruction du cœur, si on ajoute à ça, terme plus précis, c'est la corruption du cœur, si on ajoute à cela le fait d'être insouciant face à Allah et à l'au-delà, non. Si ces deux choses-là se marient avec le suivi des passions, donc il est insouciant, il ne se rappelle pas Allah, il ne se rappelle pas qu'il va mourir, revenir vers Allah, et en plus de cela, il suit ses passions, il dit alors de cela naîtra tout le mal. De cela naîtra tout le mal, et c'est rare qu'ils ne se trouvent pas ensemble. C'est-à-dire quand la personne est insouciante, elle suit ses passions. Et la plupart des égarements que tu vois au monde sont dus à cela, sont dus à cette base. Soit il y a un problème dans la science et la perception de la vérité, soit il y a un problème dans la mise en pratique de ce qu'il connaît et la volonté de l'appliquer. C'est pour cela qu'on demande chaque jour à Allah, Ihdina sirat al-mustaqim, sirat al-ladhina an'amta alayhim, guide-nous sur le chemin droit. le chemin de ceux que tu as comblés de tes bienfaits. C'est-à-dire, ils ont la science utile et ils l'appliquent. Ils ont la science utile et ils l'appliquent. Rayl al-mardoub et alim. Non pas ceux qui ont la science mais qui n'appliquent pas. Voilà, bali, ni les égarés qui sont égarés parce qu'ils ne connaissent pas. Non. Plus loin, il nous parle de la guidée. Et du besoin qu'a le serviteur devant la guidée d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il dit, le bonheur dans ce bas monde et l'au-delà, tout cela est rattaché à la guidée d'Allah pour ce serviteur. Sans la guidée d'Allah, il n'y a pas de bonheur dans ce bas monde. Sans la guidée d'Allah, il n'y a pas de réussite dans l'au-delà. Il dit, on doit donc connaître la valeur de cette dua, hidina sirat al-mustaqim. Naam. Dans un autre passage, une autre science d'Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala, c'est que la personne ne pourra pas devenir un imam de l'islam et une haute personnalité savante de l'islam sans lui-même avoir pris comme pour exemple les savants qui l'ont précédé. Donc ça, c'est une grande science qu'il nous donne ici dans ce livre. C'est que tu veux être guidé, il te faut prendre exemple sur ceux qui ont été guidés avant toi. Par contre, si tu viens et tu rajoutes des nouvelles choses et tu innoves, bah, tu ne seras jamais un imam de l'islam. Tu ne seras jamais un imam de l'islam. L'imam de l'islam, c'est celui qui est humble et se réfère aux imams qui l'ont précédé. Aux imams qui l'ont précédé. Dans ce livre, vous y reviendrez, il a détaillé al-hidayah, la guidée. Certains savants ont dit, tu ne trouves pas ça dans un autre livre. Et comment est-ce qu'il a détaillé la guidée? Dans un autre passage, comment obtenir le bonheur et comment l'atteindre. Il nous dit, rahimahullah ta'ala, mimma yanbaghi al-i'tina bihi 'ilman wa ma'rifatan wa qasdan wa iradatan al-'ilm bi anna kull insan bal kull hayawan innama yas'a fi ma yuhassilu lahu al-ladhdhata wa an-na'im wa tib al-'aysh wa yandafi'u bi 'anhu ad-dada dhalik wa hadha matlubun sahih yatadammanu sittata umur. Il dit, parmi les choses connues, et parmi les choses auxquelles on doit accorder beaucoup d'importance, connaître, rechercher et appliquer, c'est le fait de savoir que tout humain, ou plutôt même tout animal, recherche dans ce bas monde à atteindre le désir, le plaisir. Le plaisir, la bonne vie, et repousser ce qui contredit cela. Il dit, et ça c'est une bonne chose que de rechercher ce bonheur. Et pour le concrétiser, il faut 6 points. Le premier point, ma'rifatu shay'in nafi' lil 'abd, connaître la chose utile pour le serviteur. Ce qui lui convient, ce qui va lui procurer bonheur et plaisir et belle vie. Deuxièmement, ma'rifatu at-tariq il musilati ila dhalik, connaître le chemin qui mène na'am à ce bonheur. Donc tu sais la chose que tu recherches, maintenant il te faut connaître le chemin pour l'atteindre. Troisièmement, sulukutil kat-tariq. Troisièmement, c'est emprunter ce chemin. Le quatrième point, ma'rifatu ad-dar al-mu'dhi al-munafir lil-alladhi yunakkidu alayhi hayata. Connaître, le quatrième point, c'est le contraire du premier. Le cinquième point, c'est le contraire du deuxième. Et ainsi de suite. Donc, connaître la chose qui est mauvaise, qui va te nuire, et qui va nuire, et ma'ada, qui va t'empêcher cette belle vie. Cinquièmement, ma'rifatu at-tariq allati idha salakaha afdat bi ila dhalik. Le cinquième point, c'est connaître le chemin qui, s'il est emprunté, mènera à cette mauvaise vie et à être touché par ce qu'il redoutait. Le sixième point, tajannubu sulukiha, s'éloigner de ce chemin. Fahadi sittatu umur la tatimmu ladhatu al-'abd وسروره وفرحه وصلاح حاله إلا باستكمالها. L'auteur nous dit, La réforme de la personne, son bonheur, sa joie ne pourra se concrétiser si ce n'est avec ça. Non. Il dit tout le monde recherche cela, mais la plupart se sont trompés dans la cause et le moyen qui y mène. Et le fait de rater ce chemin a plusieurs causes, notamment le fait de ne pas connaître le bien ou de ne pas connaître le chemin qui y mène. Le remède à ça, c'est la science. Le remède à ça, c'est la science. D'autres connaissent cela, mais leur cœur est semé de passion. Alors ils sont faibles dans leur volonté. Eux, il faut les exhorter. Non, il faut les exhorter. Il y a des passions entre eux et la mise en pratique de la vérité. Comment est-ce qu'ils vont soigner leur cœur et faire en sorte que leur volonté soit forte? Avec deux remèdes. Il nous dit le premier, Hubbun muta'alliq, un amour fort. T'aimes Allah, t'aimes le paradis, t'aimes l'agrément d'Allah, alors tu vas faire des efforts et tu vas donner prévalence à ce qu'aime Allah sur ta passion. Naam. Tu vas préférer la salat au sommeil. Tu vas préférer les assises de science à telle autre assise, parce que Allah Azzawajal aime cela, et comme toi t'aimes Allah, ta volonté elle va être forte pour l'acquérir. Deuxièmement, faraqun muz'ij. Faraq, c'est le khawf. Une peur dérangeante. Il aura peur s'il ne fait pas le bien, il aura peur s'il fait un péché, il a peur d'Allah Azzawajal. Il a peur de l'enfer. Celui qui développe ces deux qualités, naam, il va s'accrocher, incha'Allah ta'ala, jusqu'à rencontrer Allah tabaraka wa ta'ala. Pour finir avec ce livre, il nous dit qu'il faut remplir, si on veut vraiment goûter au bonheur réel, il faut remplir nos cœurs de l'amour d'Allah Azza wa Jal et de l'envie de le rencontrer. Et occulter tout ce qui peut venir entacher cet état. Et il dit, ceux qui ont connu cet état, ils sont dans un paradis alors qu'ils sont dans ce bas-monde. C'est-à-dire que leur cœur est rempli de l'amour d'Allah et du souhait de le rencontrer. Ces gens-là sont dans un paradis avancé. Non. Puis il cite la parole de celui qui disait « Mon cœur passe par des états au point où je me dis si les gens du paradis sont comme ça, alors ils ont une bonne vie. » Alors ils ont une bonne vie. Et il dit un autre « Adi masakin wa ahli dunya kharajou minha wa madhaq wa tiyaba ma fiha. » Les plus à plaindre parmi les gens de ce bas-monde ou les plus pauvres parmi les gens de ce bas-monde sont ceux qui l'ont quitté sans avoir goûté au plus grand délice de ce bas monde. Ils ont donc été questionnés, quel est ce délice dans ce bas monde? La réponse, ma'rifatullah, wa mahabbatu, wa al-unsu bi qurbi, wa shawqu ila liqa'i. Ça c'est une parole qu'on écrit. Naam. Ça c'est une parole qu'on écrit. Et si on avait voyagé pour prendre cette faïda, naam, juste pour ça, et on serait revenu, ça n'aurait pas été trop de voyager pour cette parole. C'est quoi le vrai bonheur dans ce bas monde? Il dit, ma'rifatullah, c'est la connaissance d'Allah. Wa mahabbatu, son amour. Wal unsu bi qurbi, le fait de se sentir en noble compagnie de par sa proximité. Wa shawqu ila liqa'i, et le fait d'avoir un amour ardent de le rencontrer. Une envie ardente de rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est l'excellence du bonheur dans ce bas monde. C'est cet état du cœur. C'est cet état du cœur. Naam. Il y a un passage magnifique sur la salat. Naam. Et comment faire en sorte que cette salat soit faite avec excellence. Je vous encourage à revenir à ce livre. Les salat ibn al-Qayyim et la hadith ikhwani. C'est un livre qui est très simple à lire. Revenez à ce livre-là. Lisez-le. Méditez-le. Il y a des enseignements magnifiques. Je vais vous lire une autre parole d'Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala. Dans son livre Miftah Udar al-Sa'ada. Dans son livre Miftah Udar al-Sa'ada. À la page 304. Al-Wajh al-Sabi' wa al-Thamanun. 27e point. An al-Qalba ya'taridu. Muradan yatawaradan ali. Idha stahkama fihi. كان هلاكه وموته وهما مرض الشهوات ومرض الشبهات وهذان أصل داء الخلق إلا من عافاه الله. Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala nous dit dans ce livre, dans ce passage, le cœur lui vient deux maladies qui tentent donc de le corrompre. Et si ils prennent place totalement, ils l'anéantissent. Ils anéantissent ce cœur, donc cette personne. Et il meurt de manière inéluctable. Il arrive à bout de ce cœur jusqu'à ce qu'il meure. Quelles sont ces deux maladies? La maladie des ambiguïtés et la maladie des passions. Les ambiguïtés, c'est la mauvaise perception de la chose. Défaut dans la croyance et autres, le doute et autres. Et les passions, c'est ce que l'âme aime. Naam, les désirs que l'âme aime. Naam, il fait référence ici aux passions illicites. Il dit, voici la base de la maladie de l'ensemble des gens, sauf ceux qu'Allah a préservés. Ces deux maladies ont été mentionnées dans son livre, dans le Coran. Quant aux maladies des ambiguïtés, c'est la maladie la plus difficile. Et celle qui tue le plus le cœur. وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا. وقال تعالى ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم. فهذه ثلاثة مواضع المراد بمرض القلب فيها مرض الجهل والشبه. Ici, Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala nous dit en ce qui concerne la maladie des ambiguïtés, la maladie du cœur qui est l'ambiguïté, donc c'est la plus nocive, celle qui tue le plus le cœur. Il nous cite trois versets où le sens de la maladie, c'est la maladie du cœur due aux ambiguïtés et aux doutes. Dans Surat al-Baqarah, le verset 10, il y a dans le cœur une maladie. C'est le doute et l'hypocrisie. Naam. Et Allah laisse croître leur maladie. Ou bien leur ajoute à cette maladie. Ils auront un châtiment douloureux à cause de ce qu'ils mentaient. Ensuite, dans Surat al-Muddathir, le verset 31, je passe directement au passage qu'a cité Ibn al-Qayyim sur la traduction des sens de ce verset. Et que ceux à qui le livre a été apporté, les croyants, n'aient point de doute. Et pour que ceux qui ont au cœur quelques maladies, ainsi que les mécréants disent, qu'a donc voulu Allah par cette parabole? C'est ainsi qu'Allah égare qui il veut et guide qui il veut. Donc ce qui est voulu dans ces versets, par la maladie du cœur, c'est la maladie de l'ignorance et de l'ambiguïté. Quant à la maladie de la passion et du désir, on la trouve dans la parole d'Allah Azza wa Jal, Ya Nisa al-Nabi, lestunna ka ahadim minan nisa, in ittaqaytunna fala takhda'na bil qawl, فيطمع الذي في قلبه مرض. أي لا تلن بالكلام، فيطمع الذي في قلبه فجور وزنا. نعم. Quant à la maladie du cœur relative à la passion, on trouve cela dans Surat al-Ahzab, verset 32. Ô femme du prophète, vous n'êtes comparable à aucune autre femme. Si vous êtes pieuse, ne soyez pas trop complaisante dans votre langage, afin que celui dont le cœur est malade ne vous convoite pas. Et tenez un langage décent. Ici, c'est la maladie de la passion et de l'envie à la fornication. Naam. D'où l'importance de revenir aux savants dans l'exégèse du Coran. Parce que certains ont traduit par l'hypocrisie. Ici, ce n'est pas la maladie de l'hypocrisie comme on trouve dans le Baqara. Ici, c'est la maladie de la passion du cœur. Et dans l'essai de traduction des sens du Coran, tu trouves entre parenthèses qu'ils ont mis pour la maladie du cœur, ils ont mis hypocrisie. Or, dans l'explication des ulama, ce que tu trouves, naam, ici que dit en tout cas Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala, c'est que c'est la maladie des passions. Et yani, de l'hypocrisie, al-fujur, c'est yani, les turpitudes, le mal, le grand mal. Donc la femme, il lui convient, lorsqu'elle doit s'adresser aux étrangers, naam, de durcir le ton. Naam, il se peut que sa voix de base ne soit pas ainsi. Mais pour s'éloigner de la fitna et ne pas donner cause à la fitna, ou crédit à la fitna, Ibn al-Qayyim dit, وَالْمَرْأَةُ ou bien قَالُوا وَالْمَرْأَةُ يَنْبَغِي لَهَا إِذَا خَاطَبَتِ الْأَجَانِبَ أَنْ تُغْلِظَ كَلَامَهَا وَتُقَوِّيهِ. Donc, elle endurcit sa parole. Elle ne l'adoucit pas. فَإِنَّ ذَلِكَ أَبْعَدُ مِنَ الرِّيبَ وَالطَّمَعَ فِيهَا. Donc ça, c'est plus loin. Yani, c'est mieux de faire ainsi afin qu'elle ne soit pas convoitée par l'étranger. Qu'il n'y voit pas une porte ouverte. Et qu'il ne se dise pas, par exemple, c'est une fille facile qui ne craint pas Allah et ne se préserve pas. Non. Puis il dit, وَلِلْ قَلْبِ أَمْرَضٌ أُخْرَى مِنَ الرِّيَّ وَالْكِبْرُ وَالْعُجْبُ وَالْحَسَدُ وَالْفَخْرُ وَالْخُيَلَ وَحُبُّ الرِّيَاسَ وَالْعُلُوِّ فِي الْأَرْضِ. Ibn Qayyim poursuit et dit, et le cœur est sujet à d'autres maladies, comme l'ostentation, l'orgueil, le fait de s'étonner de sa propre personne, se voir meilleur ou le meilleur, l'envie, la jalousie, la vantardise, l'amour du commandement et d'être élevé sur la terre. Et il dit, ces maladies-là sont la composition des deux types de maladies mentionnées. Elles englobent maladou shubuhat ou maladou shahawat. Elles englobent la maladie des ambiguïtés et des passions. Non. Donc il a été, sa science, sa vision des choses a été pervertie et sa volonté est mauvaise. Donc ni il voit la chose comme elle doit l'être, ni sa volonté est bonne. Sa volonté va dans le faux. Non. Ibn al-Qayyim nous dit « هذه الأمراض كلها متولدة عن الجهل ودواؤها العلم. » Il dit « Toutes ces maladies sont nées de l'ignorance de l'homme. Et son remède, c'est la science. » Comme lorsque le compagnon a été blessé à la tête et qu'il a demandé aux autres est-ce qu'il pouvait faire un tayammum, parce qu'il avait peur de faire le rousl. Lorsqu'il s'est levé en état de janaba, ils lui ont dit non. Il s'est donc lavé et il est décédé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Qataluhu, qatalahumullah, ou qatalahumullah. » Ils l'ont tué qu'Allah les tue. Naam, mais dans la parole du prophète sallam, celle-ci, naam, c'est une manière de faire dua en leur faveur. Le sens n'est pas voulu ici. Ala sa'alu idh lam ya'lam. Pourquoi n'ont-ils pas questionné vu qu'ils ne savaient pas? Innama shifa'u al-'ayy su'al. Car certes, le remède de l'ignorance, c'est la question. C'est la question. Naam. Donc sachez, comme a dit Ibn Qayyim, que les maladies du cœur sont plus dangereuses que les maladies du corps. Car, au pire, la maladie du corps amène à la mort. Quant à la maladie du cœur, elle peut emmener l'homme à un point de non-retour. À un point de non-retour. Et il n'y a pas de remède si ce n'est avec la science. Précisément, il dit Afwan Salamen à Eshaka, yani la perte totale. Naam, le contraire du bonheur. Yani le malheur éternel. C'est-à-dire, cette maladie du cœur, elle peut l'emmener en enfer éternellement. Alors que celui qui a une maladie du corps, le maximum, c'est qu'il va décéder. Et la mort, tout le monde va mourir. C'est pour cela qu'Allah Azzawajal a appelé son livre Shifa, c'est une guérison. Comme dans le verset de Sourate Yunus, Ya ayyuhan nas qad ja'atkum maw'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fi s-sudur wa hudan wa rahmatun lil mu'minin. Ô vous les gens, vous est venu une exhortation de la part de votre Seigneur, une guérison pour ce qu'il y a dans les poitrines, une guidée et une miséricorde pour les croyants. Donc le Coran, c'est une guérison. Non. Donc, pour les corps, il y a des gens spécialisés, ce sont les médecins. Et pour les cœurs, il y a aussi des gens spécialisés, ce sont les savants. Ce sont les savants. Donc les savants, on dit d'eux que ce sont atibba ul qulub. Comme a dit Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala. Mais les savants du cœur sont plus importants que les savants du corps. Parce qu'il se peut que l'homme vive 2 mois, il n'a pas besoin une seule fois d'un savant du corps. Par contre, les savants du cœur, il en a besoin au quotidien pour savoir comment adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala nous dit, il n'y a pas un moment où l'homme n'a pas besoin de connaître Allah, ses ordres. Il ne peut se passer de cela, ne serait-ce que le temps d'un clin d'œil. Je raccourcis tout cela. Il dit فَحَاجَةُ الْقَلْبِ إِلَى الْعِلْمِ لَيْسَتْ كَحَاجَةِ كَالْحَاجَةِ إِلَى التَّنَفُّسِ فِي الْهَوَى بَلْ أَعْظَمُ. Retenez cette phrase et notez-la. Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala nous dit, le besoin qu'a le cœur devant la science n'est pas comme le besoin de l'âme devant l'air qu'il respire. Il dit, c'est plutôt plus grand que cela. C'est plutôt plus grand que cela. Le cœur a encore plus besoin de la science que ta personne a besoin de l'air qu'elle respire. Puis il dit, une phrase que vous avez souvent entendue, elle émane d'ici. Wabil jumla. Pour finir, yani, on va dire, et en général, ou plutôt, et on peut dire, fal ilmu lil qalb mithlul ma'il samak. Idha faqadahu mat. Il dit, la science est pour le cœur, telle que l'eau est pour le poisson. S'il s'en sépare, il meurt. Puis il continue avec des paroles merveilleuses. C'est pour cela qu'Allah Azzawajal a qualifié l'ignorance, yani les ignorants d'aveugles, de sourds, de muets, et ainsi de suite. ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. Dans Sourate Al-Isra, le verset 72, et celui qui dans ce bas monde est aveugle et sera dans l'au-delà aveugle et plus égaré encore. Ibn al-Qayyim nous dit Al-Murad amal qalbi fi dunya. Il dit ce qui est voulu ici, c'est le fait d'être aveuglé dans le cœur, aveugle du cœur. نعم ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم النار عفوا مأواهم جهنم. Dans Sourate Al-Isra, le verset 97, ils seront ressuscités le jour de la résurrection sur leur visage aveuglé ou bien aveugle, muet et sourd. Leur destination sera Jahannam. Pourquoi ? Ibn Qayyim dit annahum hakadha kanu fi ad-dunya. Parce que c'est comme ça qu'ils étaient dans ce bas monde. C'est comme ça qu'ils étaient dans ce bas monde. Wal 'abdu yub'athu 'ala ma mata 'alayhi. Et l'homme sera ressuscité ce sur quoi il est décédé. Ce sur quoi il est décédé. Non. Il reste une page, mais on arrive à la fin de l'heure. Il y avait d'autres passages et belles paroles que je voulais vous lire, mais vous, vous écouterez vous-même ou vous lirez vous-même. Revenez à Nuniyat ibn al-Qayyim, naam, au poème d'Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala, alors qu'il décrit le paradis. Naam, alors qu'il décrit le paradis. Jazakumullahu khayran wa sallallahu wa barak ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم اغفر لنا ولوالدينا اللهم اغفر لنا ولوالدينا اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين وللمسلمات وللمؤمنين وللمؤمنات الأحياء منهم والأموات سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين بارك الله فيكم.